Jean-Pierre s'approche de la fenêtre. Il regarde dans la cour et appelle Jean-Luc. Viens voir, viens voir. Une fille formidable là-bas. Quoi? Là, c'est la petite fille de Greta Garbo. Sans blague. Où ça? Là, dans la cour, là, à droite. Laquelle? Celle avec le pantalon blanc, le chemisier bleu et vert et le foulard. Mais non, pas celle-là. L'autre, à côté. Ah, la blonde? Mais non. Pas celle avec le pull blanc. Cette horrible jupe rouge de prisonnier qui sourit d'un air imbécile. Non. La rousse, avec le jean gris et la veste noire. Quoi, tu la vois pas ou quoi? Je la connais, la rousse. Elle fait du russe. Olanzo. Mais ce n'est pas l'attitude de Greta Garbo, hein. D'ailleurs, Greta Garbo n'a jamais eu d'enfant. En tout cas, elle est très bien quand même, hein. Tenez, il y a un drôle de type qui s'approche d'elle. Un type avec un imper noir et un chapeau noir. Il va essayer de la draguer, c'est sûr. Ça y est, il lui demande du feu. C'est classique. C'est même un peu élémentaire. Ça oui, je crois qu'on peut le dire. Ça ne va pas marcher souvent, ce truc. Hé, hey, viens voir. Hé, hey, viens voir. Une fille formidable. Sans blague. Où ça? Sans blague. Où ça? Là, dans la cour, à droite. Dans la cour, à droite. Laquelle? Laquelle? Celle avec le pantalon blanc? Le pantalon blanc? Le pantalon blanc? Celle avec le pantalon blanc? Le chemisier bleu et vert? Le chemisier bleu et vert? Et le foulard? Le foulard? Où est la jeune fille que Jean-Pierre remarque? Dans la cour. Qu'est-ce qu'elle porte? Un pantalon blanc, un chemisier bleu et vert et un foulard. Non, non, non, non. Pas celle avec le pull blanc. Celle avec le pull blanc. Cette horrible jupe rouge. Et cette horrible jupe rouge de prise unique. Et cette horrible jupe rouge de prise unique. Que porte la blonde à côté? Un pull blanc et une horrible jupe rouge de prise unique. La rousse. La rousse. Avec le jean gris et la veste noire. Le jean gris. Et la veste noire. La veste noire. Celle avec le jean gris et la veste noire. Que porte la jeune fille rousse? Un jean gris et une veste noire. Elle fait du russe. Elle fait du russe. Que fait-elle comme étude d'après Jean-Luc? Du russe. Il y a un drôle de type qui s'approche d'elle. Il s'approche d'elle. C'est un drôle de type, un drôle de type, un drôle de type. Il y a un drôle de type qui s'approche d'elle, qui s'approche d'elle. Il y a un drôle de type qui s'approche d'elle. Il va essayer de la draguer. il va essayer de la draguer. La draguer. La draguer. Il va essayer. Il va essayer. Il va essayer de la draguer. Qu'est-ce que le drôle de type en noir va essayer de faire? Il va essayer de la draguer. Ça y est, il lui demande du feu. Il lui demande du feu. Il lui demande du feu. Comment est-ce qu'il fait pour la draguer? Il lui demande du feu. C'est classique. C'est classique. C'est classique. C'est élémentaire. Élémentaire. C'est même un peu élémentaire. C'est même un peu élémentaire. Est-ce que c'est un truc original, d'après Jean-Pierre? Non, c'est classique.